abonné au cœur que vous avez demandé. Si vous m'êtes encore fidèle, il faut renouveler votre appel. Lorsque vous m'appeliez, je l'avoue, je n'étais jamais là pour vous. Non, non, non, non, jamais je ne vous répondais. C'était toujours, toujours, toujours, toujours occupé. Mais vous savez comment va la vie. On vous appelle, on vous oublie. Oh, oh, oh, oh. Et un jour vous comprenez qu'il n'y a personne, personne, personne, personne au bout. N'hésitez pas plus longtemps, je ne suis pas au cœur absent. Non, non, non, non, je suis comme en récréation. J'attends toujours, toujours, toujours la communication. Oh, croyez-moi, jetez-vous à l'eau et je vous répondrai hello. C'est automatique. Oh, oui. Il n'y a plus d'abonnés au cœur que vous avez. Encore fidèle, il faut renouveler votre appel. Il n'y a plus d'abonnés, aucun que vous avez demandé. Et si